Merci, bonsoir à tous. J'ai intitulé cet exposé pour une politique agricole et alimentaire commune plus efficace, équitable et durable. Plus efficace dans le sens d'une politique qui permette de produire davantage de richesses, davantage de valeur ajoutée. Plus équitable, c'est-à-dire une politique qui soutienne prioritairement les exploitations qui en ont besoin dans les régions, dans les productions, qui sont fragilisées par des crises à répétition et que subissent actuellement encore certaines filières, qui sont d'ailleurs très peu aidées. Hein, je pense aux fruits et légumes, aux œufs, aux poulets et aux porcs, qui sont absolument pas soutenus par la politique agricole commune aujourd'hui. Et puis une politique qui aille dans le sens de la multifonctionnalité. Hein, je crois que c'est un mot qu'il faut faire revenir à la mode, la multifonctionnalité, et la durabilité de l'agriculture. Alors, je suis reparti des objectifs qui ont été fixés par le ministre de l'Agriculture lors de l'installation du comité de suivi de la PAC en septembre 2012. Je cite, « Il s'agit de réduire les inégalités de revenus et de développement agricole. Il s'agit de favoriser l'emploi, l'innovation et la création de valeur ajoutée. Il s'agit de soutenir les initiatives individuelles et collectives de développement respectueuses de l'environnement et allant dans le sens de la fourniture d'une alimentation de qualité et de proximité à des prix raisonnables. » Qui dans la salle n'est pas d'accord avec ces objectifs? Bien sûr, on ne peut que les partager, ces objectifs. Par contre, je ne suis pas certain, pas persuadé que la nouvelle PAC aille véritablement réellement dans ce sens. Même si il y a des progrès, je considère qu'il y a des progrès par rapport à la situation passée et à la situation actuelle. Ceci dit, la nouvelle PAC me semble insuffisante pour inverser durablement les tendances lourdes de l'intensification, de la restructuration et des pertes d'emplois, et également, je dirais, de la céréalisation actuelle de l'agriculture que nous a rappelé, nous a exposé Sophie. Alors moi, je suis bien conscient qu'il est impossible en 20 minutes de faire une analyse critique, de faire des propositions qui ne soient ni simplistes ni caricaturales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai fait distribuer ce petit document, ce petit 4 pages, intitulé « Quelle marge de manœuvre pour la politique agricole française ?» qui a été réalisé par le groupe PAC de l'Académie d'agriculture de France, qui précise notre réflexion, qui précise nos propositions que je n'aurai pas le temps de développer. Alors, un bref rappel quand même, parce que ici tout le monde n'est pas forcément spécialiste de la politique agricole, de l'histoire. Quelques grandes évolutions de la PAC, et parce que les systèmes productifs, comme l'a souligné Sophie, les systèmes productifs actuels ont été modelés dans leur grande majorité par ces 50 ans de politique agricole. Donc les objectifs des années 60, l'indépendance alimentaire, la stabilité des prix pour les producteurs comme pour les consommateurs, hein, c'est dans le traité de Rome, l'augmentation des rendements par hectare, par vache, de la productivité, donc augmentation de la taille des exploitations, baisse de l'emploi, tout cela a été mis en place à partir de moyens communs, hein, d'intervention sur les marchés, de stockage, de soutien des prix agricoles, avec des mécanismes classiques et notamment une préférence communautaire qui est peut-être tout ce qui reste de la vieille PAC aujourd'hui. Tout le reste a disparu, tout le reste a explosé. La préférence communautaire sur un certain nombre de produits, notamment les céréales, les produits laitiers et la viande bovine, reste importante, même si on a ouvert pas mal de brèches dans ce dispositif de préférence communautaire en abaissant les taxes dans le cadre des négociations à l'OMC et également dans le cadre d'accords bilatéraux. On en a encore en vu un la semaine dernière. Je rappellerai simplement que si les négociations à l'OMC ont capoté, c'est bien sur cette question du niveau des taxes. Alors, c'est une politique qui a été au-delà de ses objectifs, puisque dès la fin des années 70, le début des années 80, on se trouve confronté à des excédents structurels de production qui obligent à réformer la PAC dans le contexte notamment du GATT, où les Européens sont accusés de déstabiliser les marchés mondiaux. Et c'est vrai, d'ailleurs, les subventions aux exportations sont une concurrence extrêmement déloyale vis-à-vis des autres exportateurs. Alors, première réforme, les quotas laitiers en 84. Comment stabiliser les prix en gérant l'offre? Alors, je pense que les quotas laitiers, moi, je suis un défenseur farouche des quotas laitiers, des quotas sucriers aussi, d'ailleurs, et d'autres productions sous quotas. Et je crois qu'en France, quasiment toutes les organisations professionnelles agricoles ont défendu cette gestion de l'offre. Alors, effectivement, en gérant l'offre, on gère les prix. Mais on n'empêche pas la restructuration, on n'empêche pas l'intensification. On n'empêche pas le modèle capitalistique décrit. D'ailleurs, si on regarde l'évolution du nombre de producteurs laitiers, c'est certainement le domaine où ils ont le plus diminué. Les trois quarts ont disparu. Donc c'est un moyen, mais il en faut d'autres si on veut limiter la baisse de l'emploi dans ce domaine. 92, donc la réforme sur laquelle on vit encore aujourd'hui au niveau des soutiens, avec la baisse des prix de 45% pour les céréales, de 35% pour la viande bovine, et des aides compensatoires entre 300 et 400 euros par hectare en grande culture et 250 euros par animal en vache allaitante, avec en 2006 le découplage de ces aides, des DPU donc qui ne sont plus liés ni à l'acte de production, ni au niveau des prix agricoles. Des aides qui sont très inégales en fonction de l'historique des exploitations, d'une part, et en fonction de la taille de ces exploitations, d'autre part. Je rappellerai simplement qu'aujourd'hui, les DPU varient de 130 euros par hectare en Languedoc-Roussillon à plus de 340 euros par hectare dans les régions de grande culture et dans les régions d'élevage intensif, notamment en Bretagne. Alors, les moyens qui sont mobilisés par la PAC restent importants et resteront importants dans l'avenir. Et ce sont ces moyens qui donnent d'importantes marges de manœuvre à la politique agricole. Je vous rappelle, sur un budget de l'ordre de 138 milliards d'euros, on a 54 milliards d'euros pour la PAC, budget européen de 138 milliards d'euros, 54 milliards. Alors là-dessus, il y a 40 milliards pour le premier pilier, 37 milliards d'aides directes, dont 32 milliards d'aides découplées. Ça signifie concrètement aujourd'hui que les aides découplées représentent entre 60 et 70% du budget de la PAC, budget qui est affecté d'une année sur l'autre aux mêmes hectares et aux mêmes agriculteurs. Ce budget comporte également un deuxième pilier avec 14 milliards d'euros, mais 14 milliards d'euros, sachant que le cofinancement des États est au maximum à 50%, mais était plutôt à 25% dans les États de l'Est, de l'Europe notamment, et du Sud, on a un effet de levier avec le deuxième pilier qui tourne autour de 25 milliards d'euros au total. Alors comment se décline ce budget en France? Je vous rappelle que la France, premier bénéficiaire de la PAC, avec environ aujourd'hui 18% des crédits, touche 9,3 milliards d'euros de financement communautaire et 2 milliards d'euros de financements nationaux. Ça représente 9,5 milliards d'euros pour le premier pilier et là-dessus, 7,2 milliards d'euros sont découplés. L'ensemble des paiements directs de la future PAC devrait représenter environ 7,5 milliards d'euros, 7,6. On a également 1,8 milliard d'euros pour le deuxième pilier, avec deux postes très importants qui sont l'indemnité compensatoire de handicap naturel en montagne avec 580 millions d'euros, un tiers du budget, et 530 millions d'euros pour les mesures agri-environnementales. Simplement, dans ce deuxième pilier, ce que je remarquerai, c'est la baisse des soutiens à l'installation et à la modernisation, la mise aux normes. C'est une ligne spéciale de crédit qui est passée de 500 millions d'euros en 2000 à 290 millions d'euros dans les derniers comptes de l'agriculture. Donc une baisse très importante de ces soutiens. On installe de moins en moins de jeunes. On est autour de 4 000 aujourd'hui aidés et environ autant qui s'installent sans soutien. Alors on sait que le budget de la PAC va diminuer d'environ 10%, mais que la France, là, s'en est quand même très bien tirée puisque quasiment ça ne bouge pas. On va baisser de 2%, on a 7,7 milliards d'euros pour le premier pilier et 1,4 milliard d'euros pour le deuxième, soit 9,1 milliards au lieu de 9,3 en 2013. Il y a des moyens. La question, c'est leur répartition. C'est les objectifs, ce sont les priorités. Alors, comment se répartissent ces aides? Qui en bénéficie? J'ai mis sur ce graphique l'évolution des aides directes totales par unité de travail agricole non salarié, famille de l'exploitant essentiellement. En bleu, vous avez les soutiens céréaliers hein, depuis 1988 jusqu'à 2011. C'est le RICA. En rouge, on a les soutiens en viande bovine, soutien moyen par travailleur, familial. En violet, pour les ovins. Et en vert, pour le lait. On s'aperçoit que les soutiens en céréales augmentent très rapidement. En 1995, les céréaliers avaient déjà, à peu de choses près, les soutiens qu'ils ont aujourd'hui. En élevage, ça va assez vite aussi en élevage bovin. Un éleveur bovin aujourd'hui a davantage de soutien qu'un céréalier dans le RICA, une exploitation professionnelle moyenne. On voit également l'effet du bilan de santé de 2008 qui a été appliqué en 2010, ici. Une réforme courageuse hein, du ministre Barnier qui... Profitant de la hausse des prix en 2007-2008 sur les céréales et les grandes cultures, a transféré environ 1 milliard d'euros hein, vers les systèmes bovins, ovins, caprins et laitiers aussi extensifs. Alors, ça se traduit par une petite baisse chez les céréaliers, mais cette baisse est stabilisée. Elle s'est stabilisée du fait notamment de la restructuration, de l'augmentation de la taille des exploitations céréalières. Ça représente environ 2 500-3 000 euros par exploitation céréalière. Et ça a bénéficié effectivement beaucoup aux éleveurs ovins et pas mal aux éleveurs bovins viande, un peu moins aux éleveurs laitiers. Hein, ça dépend un peu de leur situation, s'ils étaient en montagne ou en plaine, s'ils étaient herbagers ou maïsiculteurs. Alors, j'ai pas mis les fruits, j'ai pas mis les légumes hein, sur cette courbe. Mais pour les fruits, on est à environ 9 000 euros par travailleur, parce que les arboriculteurs ont aussi parfois des céréales, etc. Hein, c'est le RICA. Et pour les légumes, des exploitations dans le RICA qui font une quinzaine d'hectares en moyenne, on est à moins de 5 000 euros par travailleur. L'effet sur les revenus. Alors, ces courbes reprennent les mêmes couleurs que l'évolution des aides directes. Vous avez en bleu les revenus par travailleur des céréaliers, en vert les laitiers et en violet et en rouge les éleveurs ovins et les éleveurs bovins viande. En trait plus light, en trait vert, vous avez l'évolution des revenus agricole par travailleur sans aide. Aide déduite. Alors, il y a plusieurs conclusions que l'on peut tirer de ce graphique. D'abord, certaines années, et on a 2009, année catastrophique pour toutes les productions, les aides sont nécessaires pour tous les producteurs. Sans aide, ils sont tous dans le rouge. Les céréaliers sont là. Les éleveurs bovins viande ici, etc. Alors, vous me direz, 2009, c'est une année exceptionnelle. Moi, je ne crois pas du tout que 2009 soit une année exceptionnelle. Ça peut très bien se reproduire dans un an, dans deux ans. C'est l'ensemble des marchés qui se contractent suite à une crise économique et financière grave. L'autre élément que l'on peut tirer de ce graphique, c'est que pour les éleveurs bovins, viande et ovins, même la valeur ajoutée est négative. Ce sont des systèmes qui ne produisent pas de richesse, dans le sens où le revenu est essentiellement constitué d'aide. Et c'est un des effets pervers de la PAC. Ça veut dire concrètement qu'il y a des systèmes aujourd'hui où on n'a plus intérêt à avoir des animaux. Quand on a les animaux, on perd de l'argent. Par ailleurs, quand on regarde ces courbes, on s'aperçoit que le plafonnement des aides par actif, dont on a beaucoup parlé hein, dans ces propositions de réforme de la PAC. Je ne parle pas du plafonnement à 300 000 euros par exploitation. Hein. Je parle d'un plafonnement qui serait, par exemple, un plafonnement à la moyenne des aides de l'agriculture que reçoit un exploitant agricole en France, 20 000 euros. Hein. Chaque agriculteur, chaque actif agricole reçoit 20 000 euros d'aide. Si on plafonne à 20 000 euros, dans notre graphique, là, le céréalier qui a 50 000 euros, il a encore 30 000 euros de revenus. Ça va pour lui. C'est la moyenne des revenus en 2012 en France. Mais par contre, nos éleveurs ovins-viande ou bovins-viande, eux, ils sont à moins 5 000, moins 10 000 euros de revenus. Le plafonnement par actif n'est pas une solution dans ces situations. Que faire alors ? Eh bien, imaginez une répartition des soutiens, une autre répartition des soutiens qui favorise l'emploi, qui favorise la création de richesses, hein, puisqu'aujourd'hui, finalement, avec le système du découplage, plus on est gros et plus on touche. Les régions, les agriculteurs les plus riches des régions les plus riches touchent le plus de soutien. C'est ce que j'appelle un système inéquitable. Et ces soutiens, comme on l'a remarqué, accélèrent la restructuration, accélèrent l'accumulation du capital, accélèrent l'agrandissement. Par ailleurs, le découplage, bon, vous le savez tous, hein, ça crée des effets de rente, ça crée également des effets de renchérissement du prix du foncier, et en plus, le découplage, auquel, je le rappelle, se sont opposées toutes les organisations professionnelles agricoles, et le ministre de l'Agriculture de l'époque, M. Guémard. Hein, mais ce n'est plus la France qui fait la PAC. Le découplage est inintelligible politiquement. Il est inacceptable socialement et économiquement. Et par ailleurs, moi, je considère qu'il n'y a aucune justification pour donner la même aide par hectare à tout le monde. La convergence, à quoi ça rime ? On va donner 268 euros à tous les agriculteurs, avec des agriculteurs, des maraîchers qui ont 10 hectares et des céréaliers ou des grandes cultures qui ont aujourd'hui 400, 500 hectares. Ça devient courant. C'est aussi inéquitable. Donc je considère, et nous considérons dans le groupe dans lequel nous avons travaillé à l'Académie d'agriculture, que le découplage doit être remplacé par des outils contracycliques de soutien. Des outils qui soient couplés aux revenus, qui soient couplés au prix. Les DPU sont des soutiens qui sont des soutiens aux revenus. Rien n'interdit de faire varier ces soutiens aux revenus en fonction des revenus, c'est-à-dire d'aider prioritairement les agriculteurs qui en ont besoin, qui sont dans des situations difficiles, qui sont dans des situations de filières en crise. Ça veut dire, concrètement, qu'il faut diriger les soutiens vers les exploitations qui ont des difficultés économiques et sociales, qui sont affectées par des évolutions de prix négatives ou par des crises dans les filières. Rien que l'ajustement du paiement de base, le résidu, ce qui nous reste là, quand on a donné tout le reste, le paiement vert, etc., qui correspond à 2,5 milliards d'euros, serait déjà un élément de soutien contracyclique modulable, d'année en année, qui serait, à mon avis, très important pour les agriculteurs. C'est à étudier, mais c'est une possibilité. Donc, des soutiens qui soient liés à l'évolution des prix, des revenus, et également qui soient modulés selon l'emploi généré sur l'exploitation. Bien sûr, il faut que les soutiens soient calés sur l'emploi. C'est la seule solution pour les maintenir, ces emplois, dans l'agriculture. Et ce recouplage sur les revenus, je ne vois pas en quoi il est interdit par l'Organisation mondiale du commerce. Alors, par ailleurs, je ne voudrais pas paraître trop critique sur la PAC. Je l'ai dit, je considère qu'il y a des éléments, notamment la redistribution des soutiens, etc., qui vont plutôt dans le bon sens. Mais il ne faut pas oublier que depuis 1960, la PAC et la France en particulier, par ses diverses lois d'orientation, ont créé des outils économiques, des outils fonciers, des outils de soutien à la qualité et à la multifonctionnalité qu'il ne faut pas rayer de la carte, qui sont extrêmement importants et qu'il faut conforter d'une part et renouveler d'autre part en leur donnant davantage de moyens à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Alors je prends quelques exemples. Hein. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la politique de la montagne. La politique de la montagne, elle a 40 ans actuellement, hein, plus de 40 années, et elle a permis de maintenir une agriculture vivante hein, sur des territoires difficiles. Elle a permis d'installer des jeunes. Je rappellerai que les départements de montagne installent davantage de jeunes que les départements de plaine. Elle a permis de valoriser l'environnement, les paysages et la qualité des produits à des coûts qui sont relativement faibles. Et bon, c'est une politique, vous le savez tous, qui est renforcée dans le cadre de la future PAC. La prime à l'herbe, qui a touché jusqu'à 4 millions d'hectares de prairies. Eh bien, c'est bon pour l'eau, pour la biodiversité, pour les paysages. On va la supprimer, celle-là. Alors, elle sera peut-être réintégrée dans l'ICHN, sera peut-être réintégrée dans une MAE. Les CTE. Il y a Bertrand qui est là en face. Les CTE, moi, je pense que ça a été globalement des outils incitatifs très intéressants qui prenaient en compte le projet multifonctionnel de l'agriculteur. Alors, bien sûr, on peut critiquer. Ça, c'est, il y a eu des effets de lobby. Il y a eu des effets... toutes ces politiques ne sont pas parfaites. Elles sont critiquables. Mais... moi, je me demande pourquoi on ne réhabilite pas les CTE. Hein. On pourrait très bien faire des PAE, tiens, des projets agroécologiques, seraient la déclinaison individuelle des projets collectifs qui sont élaborés dans le cadre des groupements d'intérêts économiques et écologiques. Il faudra bien qu'un jour, ces projets collectifs, ils aboutissent aux individus, aux exploitants, aux paysans. Donc... alors, par contre, ce que je remarque aussi, c'est que ces soutiens multifonctionnels sont plafonnés. L'ICHN est plafonné à 50 hectares. La PHAE est plafonnée à 100 hectares. Alors, ça me fait dire que, en France, seuls les soutiens à la multifonctionnalité sont plafonnés. Et ça, je crois que ça me semble emblématique de l'évolution de la politique agricole commune et de sa déclinaison française. Voilà, je vous remercie.